fumée hallucinogène. La marijuana devient mon oxygène. Un cri-cric dans mon fut contre les flics qui oxygènent. Sans le roussi, maintenant que j'en ai, y'a pas de soucis, je saigne. Les veines de la pluie rouge, l'air pousse sur le béton. La fille qu'on bouge, les putes montrent leur téton. Les seringues coupent l'air sous tes pieds, fais pas le bouffe. Font le bar au fait tout fait sous une feuille de ganja sous le chiffon. Le cadavre de ta meuf sous les feuilles mortes, je frappe à ta porte. Toujours une arme, je porte mes baskets de balle, écrase les cloportes. Les cloportes sur la conscience des pédophiles, de l'extasie, des nécrophiles. Face à la misère, les nécrophiles. Sur ma montre, je vois les aiguilles tourner. Derrière les poubelles, je vois les bébés bornés. Et les terres se fait complètement chloroforme. Mais sous une pluie de déchets, je vois ma ville se défendre. Mais je suis aïe, aïe, je suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, je mitraille. Je suis marchand de sable blanc, et maintenant je m'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. Je suis aïe, aïe, je suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, je mitraille. Je suis marchand de sable blanc, et maintenant je n'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. Les enfants se réunissent autour de moi, j'ai une comptine. Le corbeau, le renard et la galette de shit. C'est une compil, dragée rose à la cantine. Eh ouais, tantine, tu m'en verras un soleil psychique. Dans les signes. Vas-y, prends ma main. Le sachet, je t'en donne un. Les pilules, prends-en une. Sous la lune, je coupe mes thunes. Vas-y, prends ma main. Le sachet, je t'en donne un. Les pilules, prends-en une. Sous la lune, je coupe mes thunes. Oh, es-tu là dans les voies? Je suis là dans l'obscurité noire. Parfois dans mon air, dans la tête. Te rends serein et te berce. Je suis aïe, aïe, je suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, je mitraille. Je suis marchand de sable blanc, et maintenant je m'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. Je suis aïe, aïe, je suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, je mitraille. Je suis marchand de sable blanc, et maintenant je n'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. Dans la rue, soit je tue, soit je me tue. De façon c'est foutu, je suis un schmitt. Puis sur ma tête, on dit plus. J'ai pas d'option possible, vendu craquer, te faire craquer. Sinon, un gun planqué à l'épicerie, je vais tout braquer. J'arme les yeux, je vois que je suis à l'oreille du bois. Elle me regarde là-bas et me tend ses bras. Je marche et je me bats, j'arrive à grands pas. J'insère contre moi, je vais au trépas. Les papillons se brûlent les ailes contre ma lampe. Sif, sif, négro donne des gros coups de langue. Tombe dans mon mélange toxique. T'es parti pour un lieu atypique, érotique, arythmique. La chimie dans ma potion chimique. Les grands aiment ma réglisse. Ma réglisse. Et je retourne à l'église. À l'église. Dans le baptême, je verse mon pastis. Pastis. Et les enfants se réunissent. J'suis aïe, aïe, j'suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, j'suis traya. J'suis marchand de sable blanc, et maintenant je m'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. J'suis aïe, aïe, j'suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, j'suis traya. J'suis marchand de sable blanc, et maintenant je n'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. J'suis aïe, aïe, j'suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, j'suis traya. J'suis marchand de sable blanc, et maintenant je m'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent. J'suis aïe, aïe, j'suis flyer, flyer. File-moi un raya, pop, j'suis traya. J'suis marchand de sable blanc, et maintenant je n'attends. Rien de la vie, je repars la cape dans le vent.